j'essaye. Hein. Par contre, je sais pas du tout sur quelle piste ça va aller là. On peut pas mettre un autre canal. Déjà, il y a du son. Deux canaux, comment je fais alors? Mettre des sous-canaux. Oui, j'entends la basse. Ah, ça y est, ça marche. Alors après, il faut synchroniser avec. ça marche. Salut. En fait, moi, ça m'a lancé deux loopers. Ça fonctionne et le guitariste est limité. Thank you. Je vous laisse la batterie, non ?